Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFCRadio.es y empezamos ya con buena música para animar la noche o para tranquilizarse, lo que quieras. Empezamos con Chick Corea y este Humpty Dumpty. Thank you. Ahora en un homenaje a Grover Washington Jr. de la mano de Christian McBride, que recientemente estuvo en España y cumplió también años con su trío Christian McBride. Hablamos con tu tío de excepción, Tony Flanagan, Roy Carter y Tony Williams en este Milestones dedicado a Miles Davis, por supuesto. We'll be right back. Marisa Downs en la versión de Tommy Flanagan, Ron Carter y Tony Williams. Ahí está. Y ahora seguimos en Confidencias con Ivan Lins. Este depende de nos, depende de nosotros. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, que palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Que os ventos cantem, as bebam orvalho, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, a vida sobreviverá. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Tenemos ahora con otro trío de excepción, Herbie Hancock, Michael Brecker y Roy Hargrove en directo en este Transition. We'll be right back.

Vamos ahora con un dúo italiano que se llaman Simona Molinari y Peter Cincotti, La Felicità. Quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua, io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Poi che cos'è? Di fatto sono sola qui, sono qui senza di te. Da una sorta di indolenza mi vesto, mi spoglio, mi rimetto a letto. Io la mattina sono già a lutto. Io senza te non sarò più la stessa. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta. Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa. Amore, io per te farei di tutto. La felicità. Seguimos ahora con Oliver Nelson y este Cascades, Cascadas, para seguir disfrutando de la buena noche en Confidencias. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Retrocedemos un tiempo, 15 años atrás más o menos, Oliver Nelson hemos escuchado antes, y ahora David Gray con este tema llamado Babylon. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go your heart, let go your head, and fail it now. Let go your heart, let go your head, and fail it now. Babylon, Babylon. Saturday chemicals are rushing in my bloodstream. Only wish that you were here. You know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel. Admit to some of those bad mistakes I've made. Well, if you want it, come and get it. Babylon o Babylon, ahí estaba David Gray. Y ahora seguimos con este tema llamado el pequeño vals, la petite vals, y es de un artista francés que se llama Gérard Lenormand. Il y a des images dans ma tête, des manèges à la fête, vaut mieux pas y penser. Il y a des jeudis sous la pluie, des mots d'amour qu'on dit, faudrait les oublier. C'est du chagrin, de la romance, tous mes souvenirs d'enfance. Il y a que sur les photographies qu'on a l'air de s'amuser. L'accordéon, moi ça me fait pleurer. Et puis tous ces violons, je peux pas les écouter. Tous ces petits bals de province, ces fiancés de 15 ans, faudrait les faire danser. C'est du chagrin, de la romance, ces amours adolescentes. Ça te prend vite un goût de larmes et de baisers volés. Moi, je donne du rêve à tous les gens qui traînent des souvenirs cassés. De la dentelle bretonne à ceux qui ont des habits troués. On a tous partout pareil,

trees bear strange fruit, blood on the leaves, blood at the roots, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene from the gallant side, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, and the sudden smell of burning flesh. Yeah. Bien, con esto finalizamos Confidencias en la Madrugada. Volvemos mañana en RFC Radio a la misma hora. Y la buena música no termina en RFC Radio.es.